Ici François-Étienne Paré de La Revanche des Nerds. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Yeah! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchi en compagnie de notre invité de la semaine, Louis Courchesne. Yeah! Oui! Oui! Merci. Merci. Yeah. Recrue à la LNI en quelle année? Il y a 3 ans. Recrue de l'année, oui. Et de multiples trophées depuis. Oui. Auteur, humoriste. Effectivement. Et champion de limbo? Champion de limbo depuis non, seulement 2 semaines. C'est Mathieu, ça. Oh. Oh non, si peu. Il m'avait battu. Je t'avais battu, hein? Ouais, mais j'étais plus gros dans ce temps. Oh. Alors, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité, Fred. Ou le Louis. Comme tu veux. Et on est aussi en compagnie de Martin Boily. Oui, oh! Salut Louis. Salut Frédéric. Bonjour, salut Antoine. Mathieu Bouillon. Salut les filles. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Magnifique. Oui. Mais ça, Louis, tu sais ce que c'est, pas de problème. Oui, très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui règle vos problèmes à la maison. Alors, on envoie des problèmes et les gens du podcast, donc vous quatre, m'incluant, j'imagine, aujourd'hui, oui. Règlent ce problème-là de la façon qu'ils le peuvent, là, en donnant des solutions farfelues, des fois intéressantes et des fois complètement vulgaires. Oui. En feu. Et vous pouvez le faire soit sur notre groupe Facebook ou notre page fan. Ainsi que notre compte Twitter. Et on peut t'envoyer une lettre chez toi, je pense aussi. Non, c'est chez Antoine. Oh, chez Antoine. Oui. Ça. Et d'ailleurs, Antoine, toujours, qui engraisse toujours. Et. C'est rendu qu'elle ne porte que des mumus. Oui. Et non seulement ça, vous pouvez aussi le faire par courriel à pasdeproblème@gmail.com. Voilà. Les plugs sont faits. Les jeux sont faits. Allons-y. Pour le problème de la semaine. Bon, bon, bon. Qui nous vient de Jonathan Bob Savoie. Je pense qu'il date de l'été de l'année passée. C'est-tu vrai? Vous l'avez jamais fait? Oui, on l'a jamais fait. Mais le pauvre, c'est sûr qu'il écoute plus pas de problème depuis ça. Non, c'est comme son 14e problème. Ah bon. Non, mais Jonathan Bob Savoie, on l'aide beaucoup. Mais comme un podcast, c'est pas situé dans le temps, vous pouvez le renvoyer l'été passé. Exact. Oui, exactement. On pourrait lui mettre le numéro 112 si on voulait. C'est ça. 112B. Oui, 112B. Bon, hey, son problème nous va comme suit, qui est un sérieux problème. Avec tous les films de super-héros qui s'en viennent pour la période estivale, Batman, Spider-Man et le film des Avengers, OK, c'est vraiment l'été passé. Ouais. Ben finalement. OK. Avec tous les films des super-héros qui viennent, les films des Avengers qui battent des records, les super-héros sont de plus en plus populaires. Ma question, comment devenir un super-héros? Yeah! Oh oui! Et non seulement ça, c'est ça, mais on peut vraiment l'adapter à cet été, puis... Oui, les films de super-héros. Tous les étés, depuis au moins... Une dizaine d'années, même plus que ça, même. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement à la mode de sortir des films de super-héros ces temps-ci. Ouais. Mais il y a aussi eu une série québécoise qui était sortie un automne. Vous vous rappelez, c'est Les Super Mamies avec Rita Lafontaine. Qui avait le pouvoir d'être très vieille. Oui. Il y a Les Invincibles aussi. Oui. Qui avait le pouvoir d'avoir 4 gars qui vivaient la même affaire ensemble. Oui. Comme les pierres à feu, ils vivaient tout le temps la même affaire en même temps. Oui, les pierres à feu, un gros pouvoir. Ouais. Non, mais c'est ma vision des choses. Maintenant, comment aborder ça? Martin, as-tu... Oui, en fait, c'est pas d'hier hein, que les héros sont à la mode et qu'on rêve à eux. Hein. On peut remonter jusqu'à la mythologie grecque. Ouais. Ben oui, on parle des dieux. Les dieux de l'époque étaient en quelque sorte des héros, mais un des plus fameux d'entre eux était... Non, les dieux n'étaient pas des héros, c'était des dieux. Les héros, c'était des humains. Non, mais je veux dire, était une forme de puissance suprême pour eux, des dieux dotés de pouvoirs particuliers. Mais elle avait, entre autres, un des plus célèbres, qui est Hercule, le fils de Zeus, qui était justement un mi-homme, mi-dieu. C'est un héros. Le détective. Lui, c'était un héros. C'est la définition des héros. Hercule Poirot, oui. Oui. C'est ça? De quoi ça? Le détective Hercule Poirot. Le détective Hercule Poirot, oui. Hercule le chien dans Pif et Hercule aussi. Non, non, Et puis, Hercule et ses 12 travaux étaient un héros de la mythologie. Avance, Hercule. Mais c'est vraiment les super-héros comme on les connaît aujourd'hui sont arrivés plus dans les années 1930. Alors, on parle qu'ils sont arrivés au travers des bandes dessinées, les comic books ou les comic strips, comme on les appelle. Et on considère Mandrake le magicien et le fantôme de Phantom comme étant les précurseurs du genre des super-héros, des prototypes en quelque sorte. Il n'y avait pas aussi l'imitateur Steve Diamond. Non, lui, c'est un précurseur d'un autre genre. Le genre complètement pourri. Super pourri. Les super pourris. Mais le véritable premier super-héros, messieurs, c'est lequel? Superman! Superman en juin 1938, qui est le premier réel super-héros au sens moderne du 75 terme. 75 ans qu'on nous crie dans la salle. D'un dessinateur qui en dessine des bonhommes. Oui. Mm. D'ailleurs, t'as un Tumblr, Yannick? Oui, yannickbelzil.tumblr.com. Ouais, allez-y. Ah. Yannick Belzil. Mais donc, la solution serait de venir des années 30 pour être un super-héros. Oui, non, je faisais juste un petit historique. Ah, vous m'avez dit de faire comme Antoine faisait. Je fais comme Antoine faisait, là. Il était en Grèce, sacrez-moi patience, là. Non, mais... Bon. Antoine faisait juste lire Wikipédia. Mais pour avoir lu Wikipédia, Martin fait la même chose. Alors, non, mais pour être un super-héros, là, je m'adresse directement à Bob Savoie, c'est simple, il y a quatre caractéristiques que tu dois avoir pour être un super-héros. Tu n'es pas obligé de les avoir les quatre, mais tu dois en avoir au moins deux des quatre. Louis, je pense que tu as ça toi aussi. Dans oui, mais je me suis arrêté là dans Wikipédia, c'était plate. Mais continue, Martin. Oui. Non, puis si tu veux faire comme Antoine, là, faut qu'à chaque fois qu'on t'interrompt, tu fais « Non, non, c'est sérieux, là, les gars! Okay. C'est sérieux! » Non, non, c'est sérieux, là, les gars. Okay. On arrête des niaiseries. Mais pourtant, ton T-shirt est hideux aujourd'hui. Pourtant, c'est juste écrit « C'est super d'être un héros super... » Alors, je n'étais pas capable. J'ai pas cette fraction de seconde-là que vous avez, les gars. Hey, vous avez 164 problèmes dans le cul, j'en ai 5. Une fraction de minute dans le cul. On a plus que ça. Alors, c'est quoi ces caractéristiques? Les quatre caractéristiques, on a juste besoin d'en avoir, on n'est pas obligé de tous les avoir, ceci dit. La première caractéristique, ce sont d'avoir des capacités extraordinaires, comme par exemple une force physique surhumaine, une rapidité hors du commun. Mais est-ce que voir les odeurs serait... comme super... Ben, je vois les odeurs. Moi, quelqu'un... Ça serait schizo, ça! Moi, c'est une capacité extraordinaire. C'est juste qu'il faut que tu la rendes utile. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr que voir les odeurs... Ben oui, c'est une caractéristique. Ok, ça arrête pas les erreurs. Non, je vais juste préciser. Okay, d'un gars qui vole une banque, t'arrives, tu vois les odeurs. C'est ça. Tu peux rien faire. Ben, je suis le cash. Ah, mais l'odeur l'argent n'a pas d'odeur. C'est encore approuvé. Difficile. Ou si tu n'as pas ces capacités extraordinaires-là, tu peux avoir un équipement perfectionné, un arsenal. Comme Batman. Batman, oui. Ou comme un bon pêcheur. Qui est bien équipé en canne à pêche et en leurre. Des mouches, tout ça, ouais. Oui, oui, c'est un bon arsenal. Super pêcheur! Super pêcheur! Avoir une double identité. Avoir ton identité de Anna Montana, par exemple. Elle avait deux identités, elle? Elle a deux identités. C'est Miley Cyrus. Ah, j'avais pas suivi. Ou Dominique Michel, qui est aussi Aimé Sylvestre. Oh oui! Ou le gars, là, qui a, quand il est de gauche, il est Diana Ross, puis quand il est de gauche, il est l'autre. Mais il y a une identité, c'est qu'il y a deux demi-identités. Ah, oui, c'est ça, deux demi, ouais, c'est ça, c'est passé. Pas okay. Et finalement... le port dans le cadre de ses aventures d'un costume distinctif qui va l'identifier comme étant le super-héros. Donc, ce sont les quatre caractéristiques. Comme je dis, les deux dernières vont souvent ensemble, le costume ainsi que l'identité secrète. Mm. Et soit des pouvoirs extraordinaires ou soit un arsenal bien calculé. Moi, j'aime bien la vision de The Incredibles pour la cape. De mais pas une cape avec ça, sans ça, cap ouais c'est juste de la merde ouais parce que tu peux te pogner dans un dans un réacteur ou tu sais ça c'est jamais bon mais puis, c'est une mode d'époque aussi la cape parce que de moins en moins de super-héros aujourd'hui ont la cape là. Mais elle sert à quoi À prouver que tu voles, parce que sinon, on te regarde sur un green screen puis il n'y a rien qui bouge. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Mais c'est... sur papier, il n'y en a pas besoin. Hein? C'est ouais. Mais en tout cas... Pour utiliser ton crayon rouge plus, là, je sais pas. Spawn, par contre, Todd McFarlane qui faisait Spawn, lui, la cape servait à cacher le reste de la case pour dessiner moins de choses. Mais la cape était vivante dans Spawn. Oui. La cape, c'était une entité en tant que telle. Quel bon film, c'était comme le sidekick de Spawn, finalement, sa cape. Oui. Présente Spawning. Diabolique sur son dos. Il voulait appeler ça Spawn et Cap. Comme la Batcave ou le... voyons, la le... La forteresse de la solitude. Ou ouais. La pourvoirie réellement assez pour un pêcheur. C'est très secret. Réellement assez en soi, je pense qu'il est un super héros. Ouais. Je veux juste plus dire que... C'est un commentaire. Super cochon n'est pas un super héros, mais il n'est pas si super que ça. Super cochon, c'est qui ça? C'est super cochon, cochon en ouais, fait. Super cochon, mon Dieu. Il est pas vraiment super, ni super héros. Je trouve vraiment... Il est ordinaire cochon, je dirais tout ça. Parce que Mathieu, c'était son surnom, lui. Ben, quand, ouais. Ben quand, oui! Quand il veillait au foufoune électrique dans les années 60. DJ super coche. Il est sa coche. Faut pas oublier aussi, c'est bien sûr, les gens qui sont capables de prendre une grande quantité de poisson. Entre autres, Robin. Oh, oui, Robin! Oui, oui, Mathieu, oui. Tu viens de te faire piquer ta job. Oui, oui. Certain. Oh, c'est vrai, ça. Non, mais je pense que Stan Lee, qui est quand même le père de plusieurs super-héros. Le père héros. De Stan Lee Cooper, entre autres. Oui, entre autres. Mais Stan Lee, le père de quoi? Spider-Man, les Quatre Fantastiques, Hulk, ça, oui. En tout cas, qui a donné son nom à la célèbre coupe Stan Lee, qui, oui, pour Stan laquelle Lee, ouais. Les gens disent. Oh, le slow cap, il faut que j'arrête de parler. Non, mais lui, il y avait comme une vision, c'était un gars qui rencontre la radioactivité. Oui. Puis là, il est fort. Ouais. Non, mais c'était un peu ça, c'est la base. C'est, pis... Tu vois, j'ai des notes là-dessus, d'ailleurs, sur les radiations nucléaires, parce que moi, c'est un truc qui m'a proposé le problème plus tôt dans la semaine, et c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent dans ma vie, de me pencher sur ce problème-là, parce que c'est un truc que j'aimerais faire un jour, devenir un super-héros. On t'a invité. Ben oui, c'est ça, parce que c'est vraiment un problème que j'ai. Les radiations nucléaires viennent souvent comme étant une solution, et il faut faire attention, parce que là, il y a Hulk, le Dr. Manhattan, Daredevil aussi, qui ont été comme victimes des radiations nucléaires et qui sont devenus des super-héros, mais ça comporte des risques. Je suis allé voir sur Internet, une exposition moyenne à les radiations provoque la leucémie, le cancer du côlon, du poumon et de la peau. Fait qu'il faut y penser, c'est le fun. Super cancer! C'est un pensée si bien. Mais hein? C'est un pensée si bien solide parce que t'es un super-héros, mais tu perds tes cheveux. Et sinon, une exposition forte, comme on pourrait croire que, mettons, Hulk et compagnie a eu, c'est des vomissements, des diarrhées, de la fièvre chaude, des chutes de cheveux et des ongles, des brûlures, des rougeurs. Alors, c'est ça. C'est un pensée si bien. Ça vaut la peine, mais à quel prix? De ne pas avoir de cheveux et de vomir tout le temps, mais de sauver des madames. Je sais pas. C'est pas ce que je voudrais faire. Fait avant d'aller chez Plutonium Dépôt chercher une quantité mais, de... Tu vois, j'avais la solution de faire comme Spider-Man puis de laisser un insecte ou un animal se faire irradier à ta place et de te faire mordre par le dit insecte ou animal pour gagner ses pouvoirs. Mais là, il faut faire attention parce que tu veux pas les pouvoirs d'un animal trop dangereux parce que sa morsure risque d'être désagréable. Comme un requin, par exemple, mort, ben ça t'arrache un bout avant que tu sois un super-héros. Ouais, c'est alors, faut faire vraiment, vraiment attention. Tu peux être super moitié. Mais super moitié. De corps, ouais. C'est ça. Super, j'ai une bouche de requin dans le chest. Alors, super unijambiste. Ouais. Mais en même temps, si l'animal est trop doux, tu sais, mettons super Tamiya, c'est mais pas c'est pas ça, c'est ça. Les pouvoirs du Tamiya, tu sais, d'être cute. Et de, tu fais juste croiser des randonnées. Là, c'est pas tous les animaux qui ont des pouvoirs. Super paresseux. J'arrive! C'est une gerboise! J'arrive! C'est une gerboise, c'est un écureuil! Non, c'est super, Tamiya! Oui, il y a l'univers des Ninja Turtles qui nous a proposé plusieurs mixtes animaux, humains. C'est intéressant à voir. Oui. Je pense que... Est-ce que vous avez des humains, animaux que vous aimez? Des mélanges d'humains et d'animaux qu'on aime? Ouais. Ben, un mélange de tamanoir... et d'humains. Mais les kangourous dans Tank Girl, là. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, c'était malade. Ouais. Les costumes étaient superbes. Ah oui, dans le film, c'est Ice-T, il était en feu. Génial. En feu. Je la regarde à chaque soir. Il y a Josie et les Poussycats aussi. Oui. Ouais, un mélange entre trois filles. Le pouvoir du rock, là. Oui, ouais, c'est ça. Ça dépend. Qu'est-ce que tu considères comme pouvoir, tu sais? Parce que là, tu... tu sais, Usain Bolt, là, y a-tu un pouvoir? Ben, il y a une vitesse humaine, somme toute. Pas surhumaine. Tu sais, c'est le meilleur des humains, mais c'est pas comme... On fait pas c'est tabarnak, il est où, là, tu sais? On l'a vu aller, là. Oui, oui, non, mais... il était là, j'ai cligné des yeux, il est rentré le foot. Là-bas. Non, non, je l'ai vu courir. C'est pas flash, mettons, là. Ouais, il t'impressionne pas, c'est ça? Ben, il m'impressionne, mettons. Je serais pas capable de faire pareil, mais je fais pas comme... C'est un char. T'sais. Oui, mais non, quand mais même, s'il mettait... Si pendant... Ouais, vas-y, Fred. Si pendant il court, il fait... Ben, il résonne moins, je te dirais. Mais je pense qu'il le fait déjà, Fred. Ouais. J'imagine qu'il y a un certain bruit. On l'entend juste pas. On entend les commentateurs plus que son bruit de bouche, ouais. Mais... Mais je pense que si Usain Bolt mettait sa vitesse au profit de la veuve et de l'orphelin... Il serait en quelque sorte un super-héros. Il pourrait aller ben oui, sauver mais il quelqu'un. Il court pas plus vite qu'une balle de fusil, non. Non, mais il court plus vite que tous les méchants de la planète, ça c'est sûr et certain. Pendant 9 secondes. Il n'y a pas un méchant qui peut le rattraper mètres, sur un 100 mètres. OK, pendant 9 secondes, toi, tu dis, il est capable d'aller jusqu'à 15 ou 18. Ça, c'est juste les méchants que leur stratégie, c'est on va courir vite aussi. Là, t'sais. Volons cette banque, nous courons vite. Oui. Mais je vous mets au défi de me trouver quelqu'un de méchant qui court plus vite que Usain Bolt. Ouais, mais Usain Bolt, c'est pas lui qui a tué sa femme? Non, là, tu te trompes avec Oscar Pistorius. Non, lui, là, lui, il est méchant, puis il court vite. Est-ce que c'est son némésis, lui-là, là? À l'instar de Batman, c'était les accessoires qui l'aidaient à courir vite ici. Mais là, c'est vrai, c'est ça. Mais il y avait des raquettes de ski. Est-ce que c'est un super vilain? Clairement. Ben, je sais pas, peut-être, ça dépend, elle le méritait-tu. C'est une blague. Mais sinon, comme un homme très fort, hein, la force surhumaine, ou du moins plus fort que quelqu'un de normal, comme Hugo Girard, admettons, là, il pourrait, lui, devenir un genre de super-héros. C'est sûr qu'il pourrait se promener dans les ruelles. S'il y a quelqu'un qui a besoin de tirer un troc ou de lever des gros pneus. Ouais, ouais. Oui. Ah, ce gros pneu est sur moi, Hugo! J'arrive! Bouge pas, j'arrive! Mais parce que je suis bien mère. Dans la même. Les moines Shaolin qui cassent des planches et des trucs, là, ceux qui se rendent des lances dans la gorge et s'applient, là. Mais ça existe. C'est la force du chi, apparemment, qu'ils utilisent. C'est peut-être des super-héros, somme toute, des réels super-héros. Parce que ça, c'est surhumain, ça. Quand même. De se rentrer une lance dans la gorge et s'applient, là. C'est la ça. Lance, pas la gorge, là. Attends, je vais l'essayer. Non, Fred! Non, Fred, tu maîtrises pas bien ton chi! Non, Fred, non! Tu sais que t'as le pharynx mou! Mais ceci dit, Louis, pour faire un bout de chemin sur ce que tu dis, il existe dans le monde de véritables super-héros, c'est-à-dire des gens qui vêtissent un costume de super-héros pour venir en aide à des gens dans le besoin. Un parmi ceux-là qui est très populaire, il s'appelle Super... Non, pas Anarcho Panda, mais c'est bien prononcé. Super Barrio Gomez, qui vient du Mexique, qui est le plus connu parmi les super-héros. Oui, on l'applaudit en arrière. On a des Mexicains. Son identité secrète est un peu claire, par exemple, à Super Mario Gomez. Non, Super Barrio. Barrio? Barrio, oui, c'est avec un B. Ah, okay. Qui est un Mexicain assez corpulent et qui met vraiment un costume là, comme rouge et qui vient en aide aux minorités... Il pitch ses burritos. Et aux gens les plus pauvres du pays. Mais il y a même une statue à son nom. Puis pour vrai, quand on fait des recherches sur les super-héros réels, c'est un des premiers qui arrive, c'est un des plus célèbres. Mais il y en a plusieurs autres. Entre autres, aux États-Unis, une qui a retenu mon attention qui s'appelle Terrifica, son nom de super-héros. Oh! Elle met un costume et depuis 1990, elle patrouille le soir, les ruelles, les bars et en vient en aide, en fait, de s'assurer que les filles en état d'ébriété qui rentrent toutes seules chez eux le soir, elle les vient en aide, elle vient les protéger, les raccompagne, s'assure qu'il n'y ait pas... il n'y a pas des bonhommes un peu chaudailles qui viennent se gâter, comme on dit. Eh bien... Non, mais c'est quand même une cause très noble, ramener des filles saoules. Puis safe en même temps, là. Tu risques pas de... Oui, d'ailleurs, la fille en avant ici devrait peut-être faire appel à Terrifica. Il y a plein, il y a plein. J'ai une suggestion, c'est faire que mon Wonder Woman faisait partie de méchante, puis revirer gentil avant de venir. Mais tu commences comme un vilain, puis là, t'apprends un peu comment... dealer avec le super pouvoir, après, tu deviens gentil. Oui, mais à la base, pour avoir tes super pouvoirs, il faut que tu sois une Amazon, donc tu te tranches un sein. Ouais, c'est pas une, super. Une déesse. C'est pas compliqué non plus. Non, c'est. Ben pour nous, c'est pas compliqué. Pour les filles, c'est. Ça change de brassière. Ouais. N'empêche que ça faisait partie de mes solutions, moi, être tout simplement un dieu. Parce que souvent, c'est ça, un dieu ou un extraterrestre. Pour les super-pouvoirs, là, c'est complexe. Ça aide. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai les drogues qui augmentent la force. Les stimulants comme la cocaïne, les amphétamines, l'amphédrine, ça augmente la concentration, l'attention, l'agressivité. Donc, quelque part, si vous voulez devenir un super-héros, prenez de la drogue, des drogues dures de préférence. Carrément, là, tu sais. Our Man. Oui, le Viagra pour devenir super pénis. Super oui, ben c'est ça. Pendant super longtemps. Pendant super 4 heures. Stéphanie? Devenir frère de sang avec un OGM. Super tomate! Avec un œuf, mettons? Oui, un œuf, une mouche. Une tomate, OGM. La mouche. Oui. Et t'augmentes ta vie sur les étagères, en fait. Ouais. C'est ça que tu peux faire aussi. Ouais. C'est intéressant. Tu restes frais plus longtemps. Tu pourris pas. Ou juste une question de PR. Tu sais, t'es pas vu par personne, mais t'as une bonne équipe derrière toi qui mousse ton nom. Et tes apparitions, tu sais. Ben, un peu comme Iron Man, ça se peut-tu, tu sais? Lui, c'est un homme ordinaire quand même, mais juste très riche. Ben, non, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui ne sourit pas. Mais quand il se change en l'homme incroyable, ça le rend sympathique et bien formidable. Ah, OK. C'était la chanson. C'est la chanson. La chanson d'Iron Man? Tony Stark est un homme d'affaires. Mais non, Iron Man, lui, il est quand même spécialisé dans l'armement. Non, mais ça ramène au fait... C'est un peu Batman. Oui, c'est ça. La technologie, lui. Moi, je parle de comme... dans notre assistance, ce soir, on a le cube, tu sais... C'est lui, le oui, cube! Oui, sur notre le cube. Super vilain. Il faut venir aux enregistrements live pour savoir c'est qui le cube. Moi, le cube, tu sais, si on me dit « Attention, le cube arrive! » C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, juste entendre le nom, des fois... Le cube... Le frelon vert! Ben oui, puis comme on est dans une ère un peu Internet et tout ça, peut-être se créer, comme on disait tantôt, là, un site Internet qui nous permettrait de mousser notre identité de super-héros. Oui, comme Kick-Ass fait! Comme Kick-Ass fait. D'avoir peut-être comme un petit bout de cap qui dépasse en dessous de ton chandail, comme ça les gens vont se douter de quelque chose. Intéressant. Semer, là, oui. Plus dans le paraître que dans... Toi, Louis, si t'avais un super-pouvoir là, que tu pourrais décider, qu'est-ce que ça serait? En joke ou en vrai? En joke. Je sais pas. En vrai, ça serait, je pense, le contrôle temporel. C'est un truc que je trouve bien intéressant, tu sais, de revenir, repartir plus loin, arrêter le temps, l'étirer. Comme le film de Adam Sandler. Comme, oui, avec, mais pas de manette. Oui. Ça serait avec... moi, ça serait un move de tête, comme... Clic, clic. La même. C'est sûr que ça se voit mal à la radio, là, mais c'est ça que je fais. C'est ça que je ferais. Mais le contrôle temporel, l'immortalité, tu sais, il y a des affaires, là, tu fais, je sais pas. Ben, ça peut aussi faire partie des super-héros, ça, pas nécessairement les gadgets, pas nécessairement les super-pouvoirs, mais d'avoir un super gadget. Je pense au Green Hornet, par exemple, Green Lantern. Qui ont eux autres, c'est pas les pouvoirs qu'ils ont, c'est le pouvoir de la lanterne. Toute la force verte, là, tu sais. Oui, exactement. Aladdin. Green Lantern, il est pas allergique au jaune. Oui, le jaune qui est la peur, en fait. Ouais. On est moins. C'est ça, le jaune comme ça, Fred. Ouais, c'est ça, mais sinon, comme autre solution, il y a les Appendices, qui est un groupe d'humoristes qui ont une émission à Télé-Québec qui viennent de remporter. L'Olivier. Bravo. Ben oui, de la meilleure émission humoristique. Qui ont composé une chanson disponible sur leur album, disponible sur iTunes, qui s'intitule Pour devenir un héros. En fait, et c'est une chanson complète sur comment devenir un super-héros. Donc, peut-être que Bob Savoie pourrait écouter cette chanson-là. Oui. Cette chanson-là, en fait, est le contraire de We Don't Need Another Hero de Tina Turner. Hein? Exactement. Oui, oui, c'est la même chose. Oui. On met un point parce qu'on parle de super-héros, mais peut-être qu'il veut devenir juste un héros en tant que tel, parce que super, c'est plus difficile. Mais pour devenir un héros, on entend souvent les gens qui sont des héros, qui ont sauvé des enfants, de la noyade, des choses, dire. Mais tout le monde l'aurait fait, tu sais, j'ai fait ce que tout le monde fait. Dans le fond, on est tous un héros parce que tout le monde l'aurait fait. On n'est juste pas arrivé au moment où on est un héros. C'est peut-être juste un moment l'héroïsme. Moi, j'ai une solution. Créer un culte, hein, une secte, puis mais te faire passer pour un super-héros, mais tous tes followers, ben, comme, voyons, j'ai pas de terme français, tu les suiveurs. Tu les nommes sidekick, OK? Oh. Comme toutes des petits Robins. Okay. Le super boisson, le super héros de la boisson. Oui, non, mais oui, c'est ça. Puis ton pouvoir, j'allais dire ton pouvoir magique, mais ton pouvoir, c'est que tu as beaucoup de chair à canon. Tu es bien entouré. Oui, c'est ça. Ah, tu oui. fais, vas-y! Non, toi! Puis là, tu peux toujours en avoir d'autres. Tu as le pouvoir d'être convaincant aussi, finalement. C'est ça. C'est intéressant, ouais. Ça. J'ai remarqué, j'ai un truc que je trouve intéressant, c'est de vivre des traumatismes, parce que les gens qui vivent des traumatismes ont la rapidité, la force qui est décuplée à cause de l'adrénaline. On entend parler de gens qui ont soulevé des voitures pour enlever des enfants, oui, qui sortent de des incendies avec 2-3 personnes sur le dos. Fait que ça serait peut-être d'essayer de vivre le plus de traumatismes possible à tous les moments de sa vie. Ça te permettrait, en quelque part, d'être... un super-héros, ben, d'être tout le temps en train de lever des chars. Et de se tenir proche des choses traumatisantes. De s'arranger pour vivre des traumatismes, je sais pas trop comment, là, mais tu sais, de je sais pas, là, tu sais, de... Payer du monde pour qu'il te fasse vivre des traumatismes. Mm. Ouais, des endroits traumatisants, comme un show de... du groupe Infinité. Ouais, du groupe Infinité. Tu vois, là, mon pouvoir de revenir dans le temps serait très, très utile. Oui, mais ça... J'en ai parlé il y a quelques semaines. Non, c'était en vérité aujourd'hui. Mais quoi? L'exosquelette, je pense qu'il y a de quoi là-dedans. Là. Ouais. On parlait... Évidemment, c'est plus réaliste d'y aller vers dans le truc de Batman et Iron Man, mais d'y aller... je sais pas, d'avoir quelque chose... Il y a ce... Mais une armure extérieure qui, qui a des moteurs dedans. Déjà, tu peux lever des grosses roches. Tu peux être Hugo Girard puis avoir un frame de femmelette. Mais comme est arrivé à Wolverine, en fait, et comme les appendices le mentionnent dans leur chanson, avoir la chance de se faire enlever par l'armée pour subir des expériences. La chance! Oui. Pour les paraphraser, mais oui, si tu vas voir à l'armée, tu te présentes à la porte de la base militaire et tu dis « Bonjour, je serais volontaire pour subir des opérations pour devenir un super soldat. » je sais pas, je l'ai jamais essayé, mais peut-être qu'ils vont t'arranger de quoi. Ou te raser les cheveux puis te rentrer dans un programme aussi, c'est juste ça, là. Oh oui, on sait pas, mais... Mais peut-être... Vas-y, Mathieu. Peut-être faut être précis dans tes demandes. Tu dis, mettons, prenez-moi, changez mes cuticules en gonnes. Les cuticules, c'est les... C'est quoi déjà? C'est la petite peau, là. Je pense qu'ils ont cette technologie-là. J'avais une idée plutôt loufoque, mais je vous l'expose pareil. Le théorème de Spider-Man, où est-ce que il y a la phrase, la célèbre phrase de l'oncle Ben qui disait « Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». Mais je pense que logiquement, à l'inverse, ça se pourrait aussi donc de se donner de grandes responsabilités t'apporterait de grands pouvoirs. Oh. Fait que peut-être de dire « Bon ben, c'est de devenir un PDG d'un orphelinat ou un truc de même, t'as des très grandes responsabilités ». Mais et moi, là, je pensais que sa phrase la plus populaire à l'oncle Ben, c'était « Mon riz, c'est lui, en 5 minutes ». Il y avait ça aussi. Ou « Je n'ai jamais couché avec Aunt Jemima ». Mais il a été gonné avant par un prank. On a quelqu'un dans l'assistance qui voulait nous dire quelque chose. Tu peux parler de ta place? Oui, mais... On a un micro, toi? On continue. Non, mais il y en a un autre qui voulait parler, sinon. Mais pour qui? Mettons un enfant, avec vous. Après la job, mais tu te déguises, t'as enlevé ton déguisement chez vous, parce que là, tu as ton enfant, tout ce qui est arrivé dans la journée, dans les nouvelles, tout le fait, lui, c'est pas que, oh mon Dieu, là, être un héros pour quelqu'une personne. Mais même là, c'est une bonne solution. Faire des enfants, parce qu'on l'entend souvent de la bouche des enfants, mon héros, c'est mon père. Ah, oui. Et ça devient comme automatiquement, on dirait. Fait que ça, c'est une très bonne solution, faire des enfants. Fait que ça peut vous aider à peut-être devenir un héros. Ouais. Ou avoir un oral sur vous en troisième année. Exact. Ou tu sais, dans les bonnes causes aussi, tu sais, mettons, je pense que Dan Bigra, pour le show du refuge, il fait à croire aux itinérants qu'ils volent. Fait qu'il voit vraiment comme un héros, cet homme-là. Tu me tueras! Puis il fait du MMA. Si là. Je m'envole! Si je m'envole! Le gars fait quand même du combat extrême. Oui, c'est peut-être, vrai, il y a quelque, en quelque part, c'est peut-être un super-héros, Dan Bigra. Un combat extrême, quand même, il y a quelque chose. Ouais, alors, on parlait de drogue, j'espère que ça n'a pas été dit, mais on pourrait plus simplement devenir super voilà. Oui, super-héros. Oui. C'est mieux pour une fille, par contre. Et ça, c'est une carrière très longue aussi, alors. C'est intéressant pour ça. Tu viens d'être par la suite super méthadone. Oui. Super vendre des crayons de porte à porte. Super pas d'amis. Ouais. Super je me chicane avec ma famille. Super rédemption. Ouais. Super j'ai 20 ans, j'ai l'air de 60. C'est bon. C'est... Ah oui, c'est une belle carrière de super-héros. Ouais. Ça va bien. Ça va bien. Super. Mais avez-vous des héros préférés? Moi, le commandant Piché. Mon héros préféré. Ben, j'aurais de la difficulté à pas dire Superman, c'est sûr. Ah ouais, Superman? Ben, je suis... Comme Bon Jovi. Comme Bon Jovi, Fred. Strip Superman. Parfait. Oui, mais oui, c'est sûr que c'est immense, là, parce que c'est le gros super-héros qui a tout. Là. Ouais. Mais étant donné que très jeune, j'ai été exposé à Superman, ouais. Je suis resté avec ça. Il y a une seconde. Ouais. Toi, as-tu un super-héros? C'est pas un super-héros en tant que tel, mais cependant, il y a une affaire que je me dis. C'est que... Qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose là qui rend les super-héros nerveux. Donc, on comprend par là des tics. Alors, OK, en présumant ça, en partant, il faut, pour l'avenir du Québec, qu'il y ait une personne qui soit un héros et en même temps qu'il y ait des tics. Donc, un héros tic. Oui, bravo. Mais tu nous as pas dit, Antoine, est-ce que tu as eu un beau voyage en Grèce? Oui. Oui. C'est Antoine Vézina qu'on vient d'entendre. Ben oui, qui est parti pour les toilettes. Merci érotique. Beaucoup. Oui. Moi, j'allais répondre à la question mes héros préférés. Oui. J'en ai deux. Oui. Flagada Jones et France Beaudoin. Darkwing Duck, pareil. Darkwing Duck, oui. Darkwing Duck. Quand même. Hot, let's get dangerous. Flagada Jones, c'était pas vraiment un super-héros. Hey, non, mais quand il devenait... Avais-tu vu sa shape, mon gars? Non, mais il devenait amener un genre de bonhomme sur une roue, là. C'est pas Flagada Jones. C'est un mix à la Gontran. Ah, oui, Gontran, ben oui. Oui, c'est ça. Ah, oui, OK, c'est vrai, c'est pas Flagada Jones. Je suis content de savoir. Oui. Bon, génial. Ceux qui ont... Les rapidous sont en quelque les sorte... Rapetous. Les rapetous, les rapidous. Les rapetous, tu parles de l'oncle Picsou qui se fait voler par... Les rapetous, okay, en quelque sorte, sont des super vilains. Oui. Est-ce que Lucky Luke, selon vous, est un super-héros? Il n'est pas super. Mais s'il tire réellement plus vite que son ombre, c'est un super. Mais si on se fie au générique du début, il tire plus vite que son ombre. Parce que c'est un générique, man! Come on! même dans les aventures de Flash, je me rappelle pas d'avoir vu, mettons, quelque part, un bout où est-ce qu'il allait plus vite que son ombre, là, tu sais. On parle de rapidité extrême. Mais pourquoi là? Il fait juste tirer, dans ce cas-là, plus vite que son ombre? Écoute, probablement parce que... C'est la balle. Boire un lait plus vite que son ombre. C'est son gosse, le super-héros. Ouais. Mais aussi... Le reste, il tentait juste pas de le faire. Ouais. Mais je pense que... Mais probablement qu'il est aussi capable de faker tirer plus vite que son ombre. Ah, c'est ça. Faire comme piou. Mais il est juste plus rapide de l'ouest, il est pas plus rapide que le monde. Plus rapide de l'ouest. Clairement. Ouais. Mais que son ombre, partout dans le monde, ton ombre, elle va... Aussi vite que toi. Non, puis tu sais, puis il y a le côté loner, sombre aussi, tu sais, puis... Ouais. Il paraît que c'est le fait d'avoir été mordu par Rantanplan qui aurait donné son super pouvoir. Mais cela m'amène à une piste, l'attitude. Tu sais, des fois, c'est juste... Moi, je m'assume en tant que super-héros. Tu sais, Infoman a quand même fait un topo là-dessus dernièrement où il a vu le super-héros de Rosemont. Puis c'est vraiment le suit, l'attitude. Est-ce que là, il a des pouvoirs ou non? Non, on s'en fout. Il est là, il existe. Ouais. Il se autoproclame super-héros. Ouais, ouais, la solitude, l'assurance. Un peu comme Mario Saint-Amand, tu sais, mettons. Saint-Amand, ouais, c'est ça. C'est moi, Mario Saint-Amand. Mario Saint-Amand. Oui, Antoine Zénon, le détective des métiers. Canal Famille, bravo. Bon. Ah oui, ben c'est un super-héros. Oui, c'est un super-héros. Ouais. Oui, il rentre dans le... Il n'y a pas d'identité secrète, par mais contre. L'inspecteur Gadget, plutôt que, je ne sais pas si c'est ça, tout comme Robocop et compagnie, c'est des gens qui se sont fait refaire, tu sais, l'homme de quelques millions. De 6 millions. 6 millions. C'est des gens qui se font refaire. Fait que peut-être d'avoir un gros accident qui te rend complètement invalide. Mais pour faire du chemin là-dessus, Moi, je regarde. Dernièrement, je suis parti en voyage. Et avant de partir en voyage, je regardais mes assurances voyage. Et s'il m'arrive un accident en voyage, je suis assurable, je pense, pour 2,5 millions. C'est pas assez. Non, mais 2,5 millions, il y a quand même assez d'argent pour me rendre mi-homme, mi-robot, là, s'il m'arrive de quoi. Là, mettre... Cyborg? Ben oui, 2,5 millions sur mon corps, je pense que je suis capable de. Si je suis pas trop blessé. Robot Ali. Faut peut-être voir ça. Robot Ali. Robot Ali. Robot Ali Boileau. Faut peut-être voir ça d'une autre façon. Tu sais, se trouver une île, la peupler de gens moins forts et moins bons que nous, et devenir le héros de cette île. Ouais. Le héros c'est de quoi? Cette île. C'est où tu vas juste à cette île. Au pays des aveugles, le Borgnérois. C'est intéressant. C'est, imagine celui qui a deux yeux au pays des aveugles. Ouais, hein. Peut-être c'est d'incapacité, tous les gens autour de soi. Intéressant. Ou de trouver des super vilains un peu poches. Là. Mais tout le monde a quelque chose, un edge sur les autres, là, tu sais, un petit plus, puis miser sur ce plus-là, comme faire... Mathieu, je pense que toi, c'est de faire des pets odorants. Oui, et sur commande. Sur commande, et ta double bite. La double bite aussi. Ouais. C'est pas tout le monde qui a ça. Non. C'est ça, donc Fuse double bite man, c'est... Ouais, mais est-ce que tu as une identité secrète, Mathieu? Parce que sinon, il n'y a plus rien de ça qui marche. Non. C'est pas toi, la fameuse moufette qui pète? J'ai jamais été dans la même pièce que la moufette qui pète. C'est vrai, on les a jamais vus les deux ensemble. C'est moi, j'ai emprunté la coupe de cheveux à Marie Laberge. Avez-vous des solutions préférées, messieurs? Oh, tellement, là. Oh oui. Être un acteur cut. Comme ça, c'est toi et Batman, tu sais. Ça, ouais. C'est une bonne idée, ça. Aller tout simplement prendre des cours de jeu, aller faire le Actor Studio, s'en aller à Hollywood, s'entraîner comme un malade avec un peu de chance. On va t'engager pour faire le rôle de qui sait, de Beast ou ouais, sinon Gambit ou... De Gun Bitch? Non, Gambit. Ok. Un super héros, là. Ah. Mais non, mais Beast, t'as pas besoin d'être agile, là. C'est Kramer, Fraser qui le fait, là. Bon, ok. Kelsey Grammer. Qui... Et si ça c'était vrai, James Altman pourrait te soigner. Fait que ça marche pas. C'est vrai. Je pense pas que ça fonctionne. Ouais, peut-être pas. Ouais. Non, mais t'as un super écran à l'écran, au moins. Ouais, ben là. C'est déjà pas pire. Mais sinon, ma solution préférée à moi. C'est celle que Louis a proposée, de s'arranger, de non pas se soumettre soi-même aux radioactivités, mais de soumettre un animal potentiellement pas trop dangereux à des radioactivités et de se faire mordre par cet animal-là. Mais par exemple, il y a plein d'animaux qui ont des capacités phénoménales. Là, les fourmis, les sauterelles, qui, leur morsure doit pas être si douloureuse que ça. Là. Une sauterelle, c'est difficile que ça te monte. Ça te chie plus dans les mains, en fait, que ça oui, te mais mord. Je suis sûr que si tu la provoques mais si vraiment... Si tu lèches la petite menace, peut-être que... Oui, la sauterelle à la radioactivité, lèche la menace. Je pense qu'on est en business. Je pense qu'il y a quelque chose qui se peut. Et tu vas sauter solidement. Oui, oui, oui. Piou. Piou, piou. Mathieu? Je l'ai dit, c'est être un acteur cut. Tabarot, ouais. Fred, t'écoutes pas aujourd'hui, là? Non, j'écoute pas. Mathieu, c'est mon super pouvoir. Le pouvoir de l'écoute sélective. Ouais. Oh, il est fâché. Ah, son pouvoir. Être super fâché. Il y en a qui ont ce pouvoir-là. Oui, c'est vrai. On est salé au passage. Oui. Oui. Super et jeu de mots. Au bar. Oui, on est au passage. Oui. Louis? Ben, je vais avoir l'air de me trouver hot, là, mais c'est une des solutions que j'ai apportées de l'oncle Ben. Moi, je pense que si tu as des grandes responsabilités dans la vie, tu vas un jour avoir de grands pouvoirs. Pis c'est vrai, je pense ça. Je pense que si tu veux devenir un super-héros, ben, mets tes culottes. Tu sais, lève-toi le matin, puis va sauver du monde. C'est pas en restant assis sur ton cul que tu vas devenir un super-héros. Non. Non. Non, monsieur. Fait que va lever des haltères, puis apprends le karaté. Ah! Moi, ma solution préférée, c'est Nelson Mandela. Oui. C'est mon super-héros préféré. OK. Slow clap. Oui. Et non, en fait, non, ma solution préférée, c'est d'être le héros des enfants. Oh. Oui. Faire des enfants. Comme Grosse Douceur, mettons, là. Grosse Douceur aussi. Absolument. Mais être un père, c'est... Mais si vous n'avez des solutions préférées, hein, écrivez-nous ou... écrivez-nous. Dans le fond, on a juste ça comme solution. Et écrivez-nous. Faites une vidéo de vous, puis envoyez-le. Tu sais, à la limite, je pense que les gens peuvent se filmer. Inventer une solution intéressante pour nous communiquer quelque chose. Absolument. Et si vous avez un super-héros à nous présenter, faites-le sur notre page Facebook ou sur Twitter ou sur pasdeproblème@gmail.com. N'oubliez pas de voter pour votre concours de T-shirt parce que la semaine prochaine, nous allons vous dévoiler le ou la gagnante du concours de T-shirt. Oui. Et la semaine prochaine, on vous invite le 11 juin à vous pointer à notre enregistrement devant public, ici même au Bar Les Passages. On vous remercie, Bar Les Passages. Ah oui, bravo. Merci beaucoup. Merci aux gens de Vision Montréal aussi d'avoir scrappé le premier, premier oui, podcast. Oui. Oui. On remercie aussi Mr. Dress Up qui participe à notre concours de T-shirt. Allez voir ça. Et n'oubliez pas de nous fournir des problèmes. On en a besoin. Mathieu? Oui. Oui, c'est notre problème à nous, c'est qu'on a pas de problème. Ah oui, puis je vais partir un petit thread, parce que peut-être, il y a des mois qui ont 5 semaines, puis on enregistre juste 4 ouais. Pas de problème par semaine, par enregistrement. Oui. Et pour la semaine qui manque, je voulais faire un bizarro problème. C'est-à-dire, okay. Fournissez-nous une solution, et nous, on va trouver les problèmes. Oh! Oh! C'est bon, ça! Bizarro! J'aime ça. Donc, je vais partir ça, puis vous allez nous les fournir sur notre compte Facebook, ben, sur notre page, notre groupe, là. Ajoutez-vous. Oui. Si quelqu'un pouvait déliter le MySpace, pas de problème, ce serait cool. Ce serait bien gentil. On sait pas comment. On sait pas comment. Non, c'est Justin Timberlake, là. Difficile. Oui. Non, c'est ça? Non. Louis? Est-ce qu'on peut te suivre à quelque part, tes aventures? Oui, ben les gens qui aiment la gérontopornographie peuvent aller voir mon site internet. Sinon, ben restez au courant de ce qui se passe de drôle, je risque d'être là. Martin, c'est à parfait. Part avoir une blonde qui se fait croiser par un gars pendant qu'on enregistre... Oui, à, toi, part, ça, à part ça, pas grand-chose pour l'instant. Mais non! Non, sinon... Sinon, laissez-moi penser. Non, je pense que c'est pas pour l'instant. C'est parce que là, on embarque dans la saison estivale. Là. Je vous dirais, venez voir le Zoo Fest avec mon collectif d'improvisation Le Petit Rire Jaune. On présente des spectacles début juillet. Mais étant donné que j'ai pas les dates, étant donné qu'on est comme trop tôt, étant donné que je sais pas quand vous allez écouter cette podcast. Mais tu vas les mettre sur le groupe Facebook. Oui, je vais vous mettre ça c'est pour ça. Vous inviter à venir me voir. Et Mathieu? Fred, à part te faire croiser par celui qui croise ma blonde... Non, il m'a demandé l'adresse du groupe quoi, l'adresse Facebook. De Facebook. Non, c'est barre oblique Facebook. Non, non. Point, Angel Fire. Moi, cet été, vous pourrez suivre l'état de mon bronzage. Est-ce que tu prends une photo de toi par jour? Une photo de moi par jour. Ah ouais, mais les pecs aussi, les pecs. Les pecs, ce qu'il en reste. Ben, le retour des pecs. Le retour des vacances. Voilà. Et vous pouvez suivre mes activités à l'instable.com, pas d'apostrophe, l'instable, et faire un don pour pas de problème. Donc, faites un don comme vous voulez. 5 euros rien, on vous proposait ça. Ouais. C'est Stéphanie qui nous propose ça. Merci d'être là. Et merci à notre public. Ben oui. Ben oui, merci encore une fois à tout notre public. J'espère que vous vous êtes régalés dans les sushis et dans le champagne. Ça nous fait plaisir de vous offrir ça. Oui. Le sushi et le champagne qui restaient de Vision Montréal. Oui, ça, faut pas le dire. Ouais. Parce qu'on s'entend, la Louise Arel, t'as reçoit pas au hot dog. OK. Et merci, messieurs, d'avoir participé à ces podcasts. On est rendu au 167e. 11 juin, 168e. C'est un rendez-vous. 951 Rachel Est. Louis, le mot de la fin? Oui, vous avez un problème avec podcast. Ouais! Yeah! Mais Louis, où étais-tu durant toutes ces années? Où étais-tu pendant les 166 premiers podcasts? Je les écoutais. Ah! Oui. Mais là, tu sais que c'est pas closé, là. Oh! Avant ça, on avait mis Mathieu plus un problème. Tard, plus tôt. Nous avons un podcast! Yeah! Yeah! Avant même qu'on commence, je pense que j'ai inventé ta barre-plotte. Ben, je te le donne. Moi. Oui, oui, oui. Ah, mais dans un tournoi à l'époque de la Lui, on jouait contre des handicapés mentaux. Pas des gens qui ont un problème de manteau, mais bien des gens qui ont un retard. Puis c'est Dominique Lapointe qui arbitrait, puis il nous a dit « Vous pouvez pas sacrer dans le match, ça les fait trop rire. » Je dis « Il n'y a pas de problème. » Dans une intro, j'avais sorti « Tabarplot ». Et ça avait arrêté le match. C'était Entracte, dans le temps qu'on faisait de l'impro avec Entracte. Ben oui, il fait encore ça. Écoute, ça devait être 2003-2004.